La maison d'édition de timbres d'État a fait paraître un nouveau timbre individuel à l'occasion du 85e anniversaire de la fondation de l'héroïque armée populaire de Corée. À la partie supérieure, on y a écrit 85e anniversaire de l'armée populaire de Corée, 1932 et 2017. Le timbre explique avec éloquence le trajet glorieux de la puissance révolutionnaire invincible qui a créé l'histoire d'invincibilité et la brillante tradition sous la sage direction des grands hommes sans égal Paek Tusan, ces 85 dernières années depuis la fondation de l'armée révolutionnaire populaire coréenne, première force armée révolutionnaire Juche.